Nos mains sur toi. Une histoire écrite par Allen Not Allen et lue par J0305. Résumé. Les filles partagent enfin un moment de complicité chaleureuse. Après des années à refuser tout contact, de peur d'être vue et de laisser quiconque voir ses marques, Rumi se laissait aller. Elle n'avait plus rien à cacher. Mira et Zoé avaient maintenant vu tous ses secrets. Rumi ne voulait plus rien leur cacher. Après avoir manqué de les perdre, Rumi ne voulait plus de remords ou de regrets. Elle s'était montrée complètement à nu devant elle, essayant de ne pas être intimidée par le regard des deux autres jeunes femmes. Ses marques brillaient comme un arc-en-ciel sur sa peau qui réagissait à leur voix. Les gémissements de Rumi allongés sur son lit résonnaient alors que Mira était entre ses jambes, bourdonnant comme un papillon entre ses lèvres, et que Zoé était sur son torse pour poser sur sa poitrine dressée une armée de baisers papillons. La langue de Mira glissait au fond de ses reins, la pénétrant de son va-et-vient et ne s'arrêtant pas, peu importe à quel point Rumi s'accrochait à ses draps pour ne pas crier. Zoé suçait ses seins, ses mains malaxant sa poitrine, le tout presque en rythme avec les actions plus bas de Mira. Leurs mains ne la quittaient pas un instant, jusqu'à la faire venir. Fin.